Scène quatrième, Aldborough, Suffolk. Chapitre premier. Le spectacle le plus frappant que les codes du Suffolk offrent à l'étranger est, sans contredit, l'extraordinaire liberté d'accès que trouvent, sur ce rivage sans défense, les envahissements de la mer. Pour Aldborough, comme pour beaucoup d'autres localités voisines, les traditions locales ont été, la plupart, littéralement ensevelies sous les flots. L'emplacement de la vieille ville, port jadis prospère et bien peuplé, a été submergé presque en entier. L'océan germanique a dévoré des rues, des marchés, des jetées, des promenades publiques. L'onde impitoyable, consommant son œuvre de dévastation, se refermait, il n'y a pas plus de 80 ans, sur ce cottage d'Aldborough, alors appartenant à un maître saunier et qui ne survit plus que dans nos souvenirs comme ayant vu naître le poète Crabbe. Reculant, année par année, devant le progrès des marées, les habitants se sont retirés de nos jours sur le dernier fragment de terre il soit permis de bâtir avec sécurité, une sorte de chaussée qu'enserre d'un côté les marais, de l'autre la mer. Là, se fiant pour leur sûreté future à certaines collines de sable que la mer capricieuse semble avoir groupées afin de leur donner courage, les gens d'Aldborough ont hardiment fondé leur étrange petit établissement thermal. Le premier fragment des possessions qu'ils disputent au flot montant est une sorte de fossé naturel, garni de pilotis et dominé par un chemin public qui court parallèlement à la mer. Au bord de ce chemin, en ligne inégale et brisée, se trouvent les résidences d'été qu'offre aux baigneurs l'Aldborough moderne, fantasques petites habitations, construites pour la plupart dans le jardin qui en dépend, et possédant çà et là, par manière de décor à l'usage de ces mêmes jardins, des proues de navires sculptés qui, parmi les fleurs, font office de statues. Envisagées du niveau inférieur où se dressent ces villas, la mer, par de certaines conditions atmosphériques, paraît plus élevée que la terre. Les bâtiments caboteurs qui la côtoient prennent des proportions gigantesques et semblent se rapprocher assez des fenêtres pour donner quelques inquiétudes. Mêlés aux maisons de première classe, existent des bâtiments d'un autre âge et d'une autre forme. D'un côté, le petit hôtel de ville gothique de l'ancien Aldborough, qui formait jadis le centre du port et de la ville submergée, fait maintenant face aux villas modernes, sur l'extrême limite de la marge maritime. Dans une autre direction, une tour du guet construite en bois, couronnée par la proue d'un vaisseau russe naufragé, se dresse fort au-dessus des maisons voisines, et par sa croisée en sabord, laisse voir, assis à l'étage supérieur, un groupe d'hommes sérieux et vêtus de brun, attentifs à regarder la mer. Ce sont les pilotes d'Aldborough qui cherchent à voir, du haut de leur tour, si quelque navire n'a pas besoin d'assistance. Derrière la rangée des constructions si étrangement mêlées court un peu au hasard l'unique rue de la ville, avec ses cottages où résident maints hardis pilotes, ses entrepôts de construction maritime recouverts d'une moisissure épaisse et ses magasins d'ordre composite. Vers son extrémité nord, cette rue est bornée par la seule éminence qui se puisse voir sur ces marécages plats, une colline basse et chargée d'arbres où l'église est bâtie. À l'extrémité opposée de la même rue se trouve une tour en ruine et par-delà, le triste faubourg de Slowden entre la rivière Alde et la mer. Tels sont les principaux aspects de ce singulier petit avant-poste, jeté pour ainsi dire au-delà de la côte anglaise, et tel qu'on peut le voir à l'époque présente. Par une soirée de juillet, chaude et nuageuse, le surlendemain du jour où il avait écrit à Magdalen, le capitaine Raig sortit de North Shingles Villa pour aller au-devant du coche qui faisait alors le service entre Aldborough et le chemin de fer des comtés de l'Est. Il arriva devant la principale auberge, au moment où le coche y débarquait ses passagers, et put offrir la main à Magdalen et à Mrs. Raig quand ces dames quittèrent la voiture. L'accueil fait à sa femme par le digne capitaine ne lui fit pas perdre une seule minute en formalités inutiles. Il jeta un regard méfiant sur ses souliers, et se dressant lui-même sur la pointe des pieds, remit à sa place, par un mouvement assez brusque, le chapeau qu'elle avait placé un peu de travers. Puis avec un « Taisez-vous » articulé à demi-voix, mais sur un ton fort impérieux, il la planta là provisoirement. Sa bienvenue à Magdalène, qui débutait, comme à l'ordinaire, par un déluge de mots, s'interrompit tout à coup au milieu de la première phrase. Le capitaine Raig y voyait clair, et il nota du premier coup d'œil, dans la physionomie et l'attitude de son ex-élève, les symptômes d'un changement essentiel. Il régnait sur le visage de Magdalène, si ce n'est quand elle prenait la parole, un calme forcé qui lui donnait la froide immobilité du marbre. Sa voix était plus douce et plus égale, ses yeux moins mobiles, sa démarche plus lente que jadis. Quand elle souriait, son sourire naissait et mourait brusquement, laissant voir à un des coins de sa bouche une légère contraction nerveuse qu'on n'y aurait jamais remarquée autrefois. Elle était avec Mrs. Raig d'une patience parfaite. Elle traitait le capitaine avec une courtoisie et des égards tout nouveaux pour lui, mais elle ne s'intéressait à rien. Les curieux petits magasins des ruelles qu'elle traversait, la mer qu'elle eût pu croire suspendue au-dessus de sa tête, l'antique hôtel de ville au bord des grèves, les pilotes, les pêcheurs, les navires qui passaient la voile au vent, elle jetait à tout cela des regards aussi indifférents que si Harborough l'eût été connu dès sa première enfance. Et même, lorsque le capitaine l'ayant fait entrer à North Shingles par la porte du jardin, lui eut triomphalement présenté leur nouvelle habitation, c'est à peine si elle daigna y jeter un coup d'œil. La première question qu'elle lui adressa se rapportait non pas à la maison où elle allait vivre, mais à celle qu'habitait Noël Vanstone. « Loge-t-il près d'ici ? » demanda-t-elle avec l'unique symptôme d'émotion qui lui eût encore échappé. Le capitaine Raig la regarda et secoua la tête d'un air mécontent. « Le diable emporte notre gentleman de l'arrière-plan, » pensait-il. « Elle n'est pas encore consolée de sa perte. » « Puis-je maintenant parler ?» demanda derrière lui une voix douce dont les respectueux accents dominaient d'environ 10 pouces le chapeau de paille du capitaine. Il tourna sur ses talons et fit face à son épouse. L'ébahissement plus qu'ordinaire qu'on lisait sur le visage de celle-ci fit aussitôt deviner à son pénétrant mari que Magdalène n'avait pas réussi à faire ce qu'il lui prescrivait par sa lettre et que Mrs. Raig venait de débarquer dans Harborough sans être au courant, comme il l'eût fallu, de la métamorphose complète que devaient subir son nom et sa personnalité. Il n'y avait pas à plaisanter avec le doute qui s'élevait ainsi chez lui, et le capitaine Raig procéda, sans une minute de retard, à l'interrogatoire indispensable. « Tenez-vous à droite, et faites attention, » commença-t-il. « J'ai une question à vous adresser. Savez-vous dans la peau de qui vous êtes en ce moment ? Savez-vous que vous êtes morte et enterrée à Londres ? Et que des cendres de Mrs. Raig vous vous êtes envolées comme un phénix ? Non, bien évidemment, vous ne le savez pas. Voilà qui est parfaitement désagréable. Comment vous appelez-vous ? Mathilda, répondit Mrs. Raig, dont la stupéfaction paraissait à son comble. Pas le moins du monde ! S'écria le capitaine avec violence. Comment osez-vous prétendre que Mathilda est votre nom ? Vous vous appelez Julia, et moi, qui suis-je ? Tenez droit à ce panier de sandwich, ou je le jette dans la mer. Qui suis-je ? Je ne sais pas, dit Mrs. Raig, se réfugiant cette fois avec son humilité ordinaire du côté négatif de la question. Asseyez-vous, dit son mari, lui montrant du doigt la petite muraille basse qui ceignait le jardin de North Shingles Villa. Plus à droite, encore, c'est cela. Vous ne le savez pas, répéta le capitaine, se plaçant droit devant sa femme dans une attitude sévère, aussitôt qu'il fut parvenu, en la faisant asseoir, à mettre leur visage de niveau. « Ne me répétez pas deux fois une pareille sottise. Une femme qui doit travailler ma barbe, demain matin, ne saurait ignorer qui je suis. Regardez-moi bien, tête à gauche. Encore, c'est cela. Qui suis-je ? Je suis M. Bygrave, nom de baptême Thomas. Qui êtes-vous ? Vous êtes Mrs. Bygrave, nom de baptême, Julia. Qui est cette jeune personne avec laquelle vous êtes venue de Londres ? Cette jeune personne est Miss Bygrave, nom de baptême, Susan. Je suis son oncle Tom, un garçon d'esprit, et vous êtes sa tante Julia, une pauvre cervelle garnie de blancs d'œufs. Répétez-moi tout cela immédiatement, comme le catéchisme, vous vous appelez. Prenez pitié de ma pauvre tête. S'écria Mrs. Raig, suppliante. « Oh, veuillez épargner ma pauvre tête. jusqu'à ce que le bruit de la voiture en soit sorti. Ne la tourmentez pas, dit Magdalène, qui le rejoignait à ce moment. Elle apprendra tout cela peu à peu. Entrons, je vous prie. Le capitaine Raig secoua une fois encore sa tête prudente. Nous commençons mal, dit-il avec moins de politesse qu'à l'ordinaire. La stupidité de ma femme nous barre déjà le chemin. Ils visitèrent alors la maison. Magdalène se montra parfaitement satisfaite de tous les arrangements pris par le capitaine. Elle accepta la chambre qu'il lui avait destinée, approuva le choix de la domestique qu'il avait retenue, descendit pour le thé au premier appel, mais ne laissa voir encore aucune espèce d'intérêt pour les nouveaux objets dont elle était entourée. Peu après qu'on eût desservi, bien qu'il fît encore jour, Mrs. Rigg parut céder à l'engourdissement qui, chez elle, succédait presque toujours à la moindre fatigue. Son mari lui ordonna aussitôt de se retirer, en ayant soin de ne pas traîner ses pantoufles sur le parquet, et de s'aller mettre au lit, sans oublier qu'elle était Mrs. Bygrave. Dès qu'ils furent restés seuls, le capitaine regarda fixement Magdalène et attendit ce qu'on avait à lui dire. Magdalène, cependant, n'ouvrait pas la bouche. Il risqua, pour commencer l'entretien, quelques questions de politesse sur l'état de sa santé. « Vous semblez fatigué, » fit-il remarquer du ton le plus insinuant. « Je crains bien que ce voyage n'ait été un peu trop long pour vous. » « Non, » répondit-elle, regardant par la fenêtre avec une indifférence profonde. « Je ne suis pas plus fatigué que d'ordinaire. Maintenant, je suis toujours lasse. Lasse en me mettant au lit, lasse au moment où j'en sors. Si vous tenez à savoir dès aujourd'hui ce que j'ai à vous dire, me voici toute disposée à m'expliquer avec vous. Ne pourrions-nous sortir seulement ? Il fait ici bien chaud, et le monotone bruissement de ces voix d'hommes est réellement insupportable. » Elle montrait par la fenêtre un groupe de bateliers oisifs qui flânaient, adossés au mur du jardin, comme des marins seuls peuvent flâner. « N'y a-t-il donc pas, dans ce misérable endroit, quelques promenades retirées et tranquilles ? » demanda-t-elle avec impatience. « Ne pourrions-nous respirer un peu au frais et nous soustraire à tout voisinage importun ?»« À demi-heure d'ici, » répondit le capitaine, toujours complaisant, « nous trouverions un véritable désert. »« À merveille, sortons alors. » Avec un soupir de lassitude, elle prit sur la table, où elle les avait déposés en entrant, son chapeau de paille et sa légère écharpe de mousseline. Puis, d'un pas indolent, elle descendit la première dans le jardin. Le capitaine Raig la suivit jusqu'à la grille, puis s'arrêta tout à coup, frappé d'une idée nouvelle. « Pardon, » murmurait-il sur un ton confidentiel. « Ma femme, ignorant pour le moment qui elle est, nous ferions peut-être mieux de ne point la laisser au logis, seule avec une domestique nouvelle. Je vais, sans faire tapage, la mettre sous clé, pour le cas où elle s'éveillerait avant que nous soyons de retour. Deux précautions valent mieux qu'une. Vous connaissez le proverbe. Je vous rejoins à la minute. » Il rentra précipitamment dans la maison, et Magdalène, pour attendre son retour, s'assit sur la muraille basse dont nous avons parlé. À peine s'était-elle installée que deux gentlemen, se promenant de compagnie et qu'elle n'avait pas vu approcher le long du chemin public, vinrent à passer près d'elle. Le costume de l'un des deux étrangers le lui désigna clairement comme ecclésiastique. Il était moins facile de discerner à première vue ce que pouvait être son compagnon. Cependant, un observateur expert eût probablement reconnu un marin à sa physionomie, ses gestes et sa démarche. C'était un homme à la fleur de l'âge, grand, mince et vigoureux, le teint fortement hâlé par le soleil, les cheveux noirs commençant à grisonner. Ses yeux, au regard profond et ferme, étaient ceux d'un homme qui joint une volonté de faire l'habitude du commandement. Il était des deux le plus rapproché de Magdalène au moment où son ami et lui passèrent devant elle. Il la regarda, soudainement frappé de sa beauté, avec une franche et cordiale admiration, trop évidemment spontanée et sincère pour qu'on pût à bon droit s'en formaliser. Cependant, telles étaient, en cet instant, les dispositions de Magdalène qu'elle vit dans ce regard une sorte d'insolence. Les yeux hardis de ce passant lui avaient fait subir une espèce de choc électrique. Elle l'en punit par une moue d'impatience et tourna brusquement la tête du côté de la maison. L'instant d'après, elle voulut s'assurer, par un regard rapide, si cet homme avait passé outre. Il était effectivement à quelques pas, mais il venait de s'arrêter et se disposait évidemment à la regarder encore. Son compagnon, l'ecclésiastique, ayant remarqué la contrariété peinte sur les traits de Magdalène, le prit familièrement par le bras, et moitié pour rire, moitié pour tout de bon, le contraignit à reprendre sa marche. Les deux promeneurs disparurent au tournant de la maison voisine. Par deux fois cependant, le marin, au front allé, avait encore arrêté son compagnon et par deux fois regardé en arrière. « Une connaissance ?» demanda le capitaine Raig en ce moment de retour auprès de Magdalène. « Non, certainement, » répondit-elle. « Ce monsieur m'est tout à fait inconnu. Il m'a regardé avec une suprême impertinence. Savez-vous s'il est d'ici ?»« Je ne serai pas longtemps à m'en assurer, » dit le capitaine, toujours docile. Et il alla se mêler au groupe des bateliers, les questionnant de droite et de gauche avec l'aisance familière qui le distinguait. Il revint au bout de quelques minutes, avec tout un budget de renseignements. L'ecclésiastique était bien connu pour être le recteur d'une paroisse située à quelques milles dans l'intérieur des terres. L'homme brun qui l'accompagnait était le frère de sa femme, préposé au commandement d'un navire de commerce. On le supposait en visite auprès de ses parents, mais pour un laps de temps très court, attendu qu'il se préparait à se rembarquer prochainement. L'ecclésiastique se nommait Strickland, et le capitaine de commerce s'appelait Kirk. Les bateliers n'en savaient pas plus long sur l'un et l'autre de ces deux personnages. « Peu importe ce qu'ils sont, » dit Magdalène avec insouciance. « Le sang-gêne de cet homme m'a contrarié dans le moment et c'est tout. Ne pensons plus à lui. J'ai à me préoccuper d'autre chose. Et vous aussi. Où est cette promenade solitaire dont vous parliez tout à l'heure? Par où prenons-nous ? » Le capitaine désigna la direction du sud, du côté de Slowden, et offrit son bras. Magdalène, avant de le prendre, hésita. Ses yeux se portèrent, comme pour l'interroger, du côté de la maison habitée par Noël Vanstone. Cet intéressant personnage était dans le jardin, arpentant en long et en large la petite pelouse, dressant haut la tête et sous l'escorte paisible de Mrs. LeCount, qui portait comme d'habitude l'éventail vert de son maître. À cette vue, Magdalène accepta immédiatement le bras droit du capitaine Raig, ce qui la plaçait entre lui et le jardin devant lequel ils allaient passer. « Nos voisins nous regardent. Et c'est bien le moins que votre nièce vous donne le bras, » dit-elle avec un rire amer. « Allons donc, passons notre chemin. » « Ils regardent effectivement par ici, » dit le capitaine entre ses dents. « Dois-je vous présenter un Mrs. LeCount ?»« Pas ce soir, » répondit-elle. « Attendez de savoir ce que j'ai à vous dire. » Ils passèrent devant le jardin. Le capitaine Raig ôta son chapeau par un geste élégant et vif, ce qui lui valut une gracieuse révérence de Mrs. LeCount. Magdalène vit fort bien que la femme de charge examinait son visage, sa taille et sa toilette, avec cet intérêt contraint, cette curiosité méfiante qu'apportent les femmes dans leurs observations réciproques. Quand elle eut dépassé la maison, la voix aiguë de Mr. Noël Vanstone, traversant le silence de la soirée, parvint jusqu'à Magdalène. « C'est une belle personne, le Count, » disait-il. « Vous savez si je m'y connais. C'est une belle personne. » Au moment où ces paroles furent prononcées, le capitaine Raig, tout surpris, leva les yeux sur sa compagne. Il sentait trembler violemment sur son bras la main qu'elle y avait posée, et les lèvres de la jeune fille, fortement comprimées, attestait énergiquement l'angoisse muette à laquelle elle était en proie. Lentement et en silence, ils marchèrent ainsi tous deux jusqu'à la limite méridionale des constructions. Ils pénétrèrent alors dans un petit désert d'ajoncs et d'herbes flétries, l'extrémité désolée d'Alborough et le solitaire endroit où Slowden commence. C'était une soirée monotone et sans air. La mer se taisait à l'est, majestueuse et grisâtre, dans un repos absolu. La ligne de l'horizon se noyait, invisible, dans les profondeurs brumeuses du ciel. Les nefs oisives, immobiles sur l'onde paresseuse, prenaient je ne sais quels airs de fantômes. Au sud, la haute muraille bordant la tranchée maritime et la massive tour ronde perchée sur le monticule herbu opposaient au regard une barrière sombre et lui fermaient toute perspective. À l'ouest, une traînée rouge du soleil couchant faisait resplendir l'extrême limite des cieux, noircissait la silhouette des arbres qui frangeaient les marges lointaines du grand marécage intérieur, échangeait ses petites flaques d'eau brillantes en flaques de sang. Dans un rayon moins étendu, la rivière Eld, entraînée par la marée descendante, baissait son bruit entre ses rives fangeuses. Et plus près encore, à l'écart sur la côte stérile, gisait le pauvre petit port de Slowden, délaissé peu à peu, avec ses embarcadères déserts, ses entrepôts de bois en délabre et les quelques bateaux caboteurs qui venaient s'ancrer encore par tradition dans le limon de cette embouchure vaseuse. On n'entendait pas les vagues frapper la côte sonore. Le courant paresseux n'envoyait aucun bruit d'eau bouillonnante. Ça et là, de la région des marais, s'élevait une clameur d'oiseaux marins, et par intervalles, des fermes éparses à l'intérieur des terres, le faible écho des trompes qui rappelaient les troupeaux à l'étable traversait mélancoliquement le crépuscule silencieux. Magdalen retira sa main passée sous le bras du capitaine et se dirigea la première vers le monticule où se dressait la tour ronde. « Je suis lasse de marcher, » disait-elle. « Arrêtons-nous ici pour nous reposer. » Elle s'assit sur la pente et, s'appuyant sur le coude, elle arracha machinalement autour d'elle, pour les disperser ensuite dans l'air, les brins d'herbe qui se rencontraient sous sa main. Après quelques minutes données à cette muette occupation, elle se retourna tout à coup vers le capitaine Raig. « Je vous étonne, n'est-ce pas ?» lui dit-elle avec une brusquerie qui le fit tressaillir. « Vous me trouvez changé. » Le tact subtil du capitaine l'avertit que le moment était venu de lui parler en toute franchise et de garder ses fleurs de rhétorique pour une meilleure occasion. « Puisque vous me posez la question, dit-il, je dois y répondre. Il est vrai que je vous trouve changé. » Elle arracha une autre touffe de gazon. « Je suppose, dit-elle, que vous pouvez deviner pourquoi. » Le capitaine garda sagement le silence. Il ne répondit que par une espèce de salut. « J'ai perdu tout souci de moi-même, continua-t-elle, arrachant l'herbe à plus fréquentes poignées. Peut-être en disant ceci, n'exprimai-je qu'à moitié ma pensée. Mais peut-être aussi me comprendrez-vous à demi-mot. Il est telles actions auxquelles jadis j'aurais préféré la mort, et dont la pensée seule m'eût glacé jusqu'à la moelle des os. Il m'importe peu maintenant d'y être amené ou non. Je ne suis rien à mes propres yeux. Je ne m'intéresse pas plus que ne m'intéressent ces herbes jetées au vent. J'ai sans doute perdu quelque chose, et ce quelque chose, comment l'appeler, cœur, conscience, je ne sais. Et vous? Quelles absurdités vous dis-je là? Ce que j'ai perdu, qui donc s'en soucie? C'est parti, et voilà tout. Ce qu'on voit de moi est probablement ce que j'avais de mieux, et ceci me reste, après tout. J'étais joli, je le suis encore, n'est-il pas vrai? Eh, là, là, ne cherchez pas de réponse. Ne vous fatiguez pas en compliments. Pour aujourd'hui, j'ai assez d'admiration comme cela. Ce marin, d'abord, puis Mr. Noel Vanstone. Il y a là de quoi suffire à la vanité d'une femme. Une femme, ai-je le droit de m'appeler ainsi? J'en doute. C'est bien de la présomption à une jeune fille qui n'a pas 20 ans. Ah, grand Dieu! Il me semble que j'en ai 40. Elle jeta au vent les derniers fragments de gazon et, tournant le dos au capitaine, laissa s'incliner sa tête jusqu'à toucher de sa joue la terre dénudée par elle. « Elle est molle, douce et me fait accueil, » disait-elle, s'y appuyant avec un mouvement de tendresse désespérée, dont la vue avait quelque chose d'horrible. « Elle ne me repousse pas. Cette terre féconde est une mère. Hélas, il ne m'en reste pas d'autre. » Le capitaine Raig la regardait dans un silencieux étonnement. Tout ce qu'il possédait lui en fait d'expérience ne le mettait pas en état de jeter la sonde dans ces terribles profondeurs, dans cet abîme de désespérance et d'abandon de soi-même, révélé par le téméraire langage de la jeune insensée, langage qui présageait des actions plus téméraires encore. « Diablement bizarre, » se disait-il, quelque peu embarrassé de lui-même. La perte de son amoureux lui aura-t-elle brouillé la cervelle ? Il réfléchit une minute encore avant de lui adresser la parole. « Remettons tout ceci à demain, » suggéra-t-il ensuite d'un ton amical. « Vous êtes ce soir un peu fatigué. Rien ne nous presse, mon enfant, rien ne nous presse. » mais aussitôt elle releva la tête et tourna vers lui un visage où se peignait la même résolution irritée, où se lisait le même défi désespéré qu'il l'avait vu se porter en cette mémorable journée d'York, lorsque, pour la première fois, elle avait joué devant lui. « Je suis venue ici, dit-elle, pour vous expliquer ce que j'ai dans l'âme, et je prétends que vous le sachiez. » Elle se redressa sur son séant, et de ses mains embrassant ses genoux, se mit à contempler fixement, droit devant elle, le paysage qui peu à peu s'obscurcissait. Elle attendit, dans cette singulière attitude, que son agitation fût un peu calmée. Puis, sans tourner la tête pour regarder le capitaine, elle lui adressa la parole en ces termes. « Quand nous nous sommes, vous et moi, rencontrés pour la première fois, j'ai fait de mon mieux pour vous déguiser mes secrètes pensées. Je suis maintenant très convaincu que j'avais tort. Néanmoins, en vous disant à York que Michel Vanstone nous avait ruinés, je crois vous avoir donné à penser que moi, du moins, je n'acceptais pas ce résultat inique. Que vous l'ayez ou non deviné, voilà ce qui est. J'ai quitté mes amis, en vertu de cette résolution déjà bien arrêtée en mon esprit, et je la sens chez moi maintenant plus forte, 10 fois plus forte que jamais. » « 10 fois plus forte que jamais, » répéta le capitaine. « C'est bien cela. Voilà où mène la fermeté de caractère. Non. Voilà où mène de n'avoir qu'une pensée au monde. Je n'en étais pas là, jusqu'à cette maladie dont vous m'avez vu atteinte à Vauxhall Walk. Maintenant, je n'ai plus que cette pensée. Ne l'oubliez pas, si dans l'avenir, vous me voyez sans cesse faire vibrer la même corde. Mais d'abord, une question. Aviez-vous deviné le projet conçu par moi, quand un beau matin vous me montrâtes le journal où j'appris la mort de Michel Vanstone ?»« En gros, » répondit le capitaine Raig, « je conjecturais, sans entrer dans le détail, que vous vouliez glisser votre main dans sa bourse, et en retirer, très légitimement d'ailleurs, ce qui était à vous. Je me suis senti froissé jadis, de ne pas être appelé à vous aider. Pourquoi, vis-à-vis de moi, tant de réserves, me demandai-je, et quelles sont ces cachotteries si peu raisonnables ? Vous n'aurez pas désormais à vous plaindre de ma réserve, poursuivit Magdalen. Je vous dirai d'ailleurs, très franchement, que si les événements n'avaient pas tourné comme ils firent, j'aurais eu recours à votre assistance. Si Michel Vanstone n'était pas mort, je serais allé à Brighton, et sous un nom supposé, j'aurais trouvé moyen de me lier avec lui. Je m'étais procuré assez d'argent pour y tenir pendant plusieurs mois un rang convenable. J'aurais consacré ce temps et toute une année, s'il l'eût fallu, à ruiner l'influence qu'avait sur lui Mrs. LeCount, et j'aurais fini par m'emparer à mon tour de cette influence dans les conditions voulues pour la réalisation de mes projets. J'avais pour moi l'avantage de la jeunesse, l'avantage de la nouveauté, l'avantage du désespoir poussé à bout. Croyez-le bien, j'aurais infailliblement réussi. Avant la fin de l'année, que dis-je, avant l'expiration des premiers 6 mois. Vous eussiez vu Mrs. LeCount renvoyée par son maître, et vous m'eussiez vu accueillie dans la maison à sa place, comme la fille adoptive de Michel Vanstone, comme la fidèle amie à qui sa vieillesse aurait dû échapper au piège tendu par une aventurière. Maintes jeunes filles de mon âge ont organisé des plans, en apparence aussi peu réalisables que le mien, et sont parvenues à les faire aboutir. J'avais mes histoires toutes prêtes, mes combinaisons toutes mûries. Je savais par quel côté faible je pouvais à ma guise attaquer ce vieillard, comme Mrs. LeCount l'avait attaqué à la sienne, avec un succès si complet. Je vous le dis encore une fois, j'aurais infailliblement réussi. « Je le crois comme vous, » dit le capitaine. « Et après ?»« Après ?»« Monsieur Michel Vanstone aurait changé d'homme d'affaires. Vous eussiez remplacé celui dont il se serait séparé. Puis ces belles spéculations où il aimait tant à se plonger lui auraient coûté la fortune dont il nous a dépouillés, ma sœur et moi. Jusqu'au dernier denier, capitaine Raig, aussi vrai que vous êtes ici, le dernier denier y eût passé. Complot audacieux, fraude révoltante, n'est-il pas vrai ? Eh bien, peu m'importe. Tout complot, toute fraude sont justifiés dans ma conscience par cette misérable loi qui nous a laissés sans ressources. Vous parliez tout à l'heure de ma réserve. Vous semble-t-il avoir encore à vous en plaindre ? Les révélations de la 11e heure vous semblent-elles assez complètes ? Le capitaine posa solennellement la main sur son cœur et de nouveau lâcha les écluses au débordement de son langage le plus fleuri. « Vous me remplissez, disait-il, d'un inexprimable regret. Si ce vieillard eût vécu, quelle riche moisson à tirer de lui! Quelles énormes opérations d'agriculture morale il m'eût été donné de pratiquer à son égard! Ars longa, continua le capitaine Raig, qu'un entraînement pathétique ramenait à son latin. Ars longa vita brevis! Accordons une larme aux occasions perdues dans le passé et voyons quelle consolation le présent nous pourrait offrir. Une déduction s'offre bien claire à mon esprit. L'épreuve que vous vouliez tenter sur Michel Vanstone ne saurait, ma chère enfant, vous servir à l'égard de son fils. Ce fils est inaccessible à toutes les formes consacrées de la tentation pécuniaire. Vous pouvez vous en rapporter à ma solennelle assurance, continua le capitaine qui se rappelait indigné la réponse faite à son annonce du Times. Quand je vous dirai que Mr. Noel Vanstone est, bien positivement, l'être le plus vil de la création. J'aime autant m'en rapporter là-dessus à ma propre expérience, répliqua Magdalene. Je l'ai vu, je lui ai parlé, je le connais mieux que vous ne le connaissez vous-même. Encore une révélation, capitaine Raig, dont vos oreilles me garderont le secret. Je vous ai renvoyé certains objets de travestissement, après qu'ils eurent servi au dessin pour lequel je les avais emportés à Londres. Ce dessin était, pénétrant déguisé jusqu'à Noël Vanstone, d'apprécier par moi-même Mrs. LeCount et son maître. J'y suis parvenu, et je vous le répète, les deux personnes auxquelles nous avons maintenant affaire me sont mieux connues qu'à vous. Le capitaine Raig exprima son profond étonnement et posa toutes les questions qui s'offrent naturellement à un esprit naïf quand on vient de le prendre à court. « Fort bien, » reprit-il, lorsque Magdalene y eut bravement satisfait. « Et quel fut le résultat auquel votre esprit s'est arrêté ? Car il y eut un résultat, sans quoi nous ne serions pas ici. Vous savez où vous allez ? Il est impossible, cher enfant, que vous ne le sachiez pas. « Je le sais, » répondit-elle vivement, « je sais où je vais. » Le capitaine se rapprocha quelque peu d'elle, et tous les traits de son visage bohème exprimaient une ardente curiosité. « Continuez, » dit-il, parlant bas et vite. « Je vous en prie, continuez. » Mais, pensive, elle plongeait ses regards dans l'obscurité toujours croissante, sans répondre et sans même paraître l'avoir entendu. Ses lèvres restaient closes, et ses mains entrelacées pressaient machinalement ses genoux d'une étreinte plus forte. « Il ne faut pas se le dissimuler, » reprit le capitaine Raig, la provoquant adroitement à lui en dire plus long. « Le fils est plus difficile à manœuvrer que n'était le père. » « Non pas comme je l'entends, » interrompit-elle tout à coup. « En vérité, » dit le capitaine. « En ce cas, le proverbe a raison. Bref chemin, allons penser. Vous y aurez longtemps réfléchi, je suppose, et vous avez fini par trouver le plus court chemin. » « Je ne me suis pas donné tant de peine. Je l'ai trouvé sans y réfléchir le moins du monde. Mal à peste !» s'écria le capitaine Raig, de plus en plus perplexe. « Récapitulons un peu, cher enfant, et voyons si je comprends bien la situation présente. Autant que je puis comprendre, nous avons d'un côté Mr. Noel Vanstone, possédant, comme son père, votre fortune et celle de votre sœur. Comme son père, bien résolu à ne les point lâcher. C'est cela. Et de l'autre, vous voici, parfaitement incapable de les recouvrer par la persuasion, ne pouvant non plus les obtenir par les voies légales, mais tout aussi résolu que vous l'étiez vis-à-vis de son père à reprendre votre bien par stratagème, et malgré qu'il en ait. Tout aussi résolu, non pour la fortune, prenez-y bien garde, mais pour que justice soit faite. Je l'entends bien ainsi. Et les moyens d'en venir là, difficiles vis-à-vis du père, lequel n'était pas un avare, sont faciles vis-à-vis du fils, qui en est plus un de la pire espèce ? Très facile. Eh bien donc, pour la première fois de ma vie, « je me proclame un âne, » s'écria le capitaine à bout de patience, « qu'on me pende à l'instant, si je sais ce que vous prétendez faire. » Elle se retourna vers lui pour la première fois et le regardant fixement, obstinément, au visage. « Je vais vous dire ce que je prétends, » reprit-elle, « je prétends devenir sa femme. » Le capitaine Raig bondit hors de sa place et se trouva tout à coup à genoux, pétrifié par la surprise. « N'oubliez pas ce que je viens de vous dire !» continua Magdalène, détournant de nouveau les yeux. « J'ai perdu tout souci de moi-même. Un seul but me reste ici-bas, et plus tôt je l'aurai atteint, pour être libre de mourir ensuite, mieux cela vaudra, bien certainement, si... » Elle suspendit ici la phrase commencée, modifia quelque peu son attitude, et montrant d'une main au-dessous d'elle le courant qui s'écoulait rapide et perçait çà et là de quelques lueurs indécises l'obscurité crépusculaire, plus épaisse de minute en minute. Si j'étais ce que je fus naguère, je me serais 20 fois précipité dans cette eau plutôt que de faire ce que je projette aujourd'hui. Comme vont les choses, j'ai dit adieu à tout scrupule. Je ne fatigue plus ma pensée de vaines combinaisons. Le plus court chemin est devant moi, et s'il est fait en jeu, peu m'importe. Je prends ce chemin, capitaine Raig, et j'épouse cet homme. » En lui laissant complètement ignorer qui vous êtes, dit le capitaine, qui se leva lentement et s'arrangea pour la regarder au visage. Vous l'épousez comme ma nièce sous le nom de Miss Bygrave. Comme votre nièce sous le nom de Miss Bygrave. Et après le mariage? La voix lui manquait, et il laissa la question inachevée. Après le mariage, dit-elle, je n'aurai plus besoin de votre assistance. Le capitaine se pencha au moment où elle lui répondait ainsi, la regarda de fort près, et recula tout à coup sans prononcer une parole. Puis il s'écarta de quelques pas, et se rassit sur l'herbe d'un air inquiet. Si Magdalène, aux clartés du jour mourant, avait pu voir la figure de son associé, nul doute que cette figure ne l'eût étonnée. Pour la première fois, probablement, depuis son enfance, le capitaine Raig avait changé de couleur. Il était d'une pâleur mortelle. « N'avez-vous rien de plus à me dire ?» lui demanda la jeune fille. « Peut-être désirez-vous savoir quelles conditions j'ai à vous offrir. Les voici. Je paye ici toutes nos dépenses, et en nous séparant le jour du mariage, vous emporterez, comme cadeau d'adieu, une somme de 200 livres sterling. Votre aide à ce prix m'est-elle acquise ? Mais enfin, qu'aurais-je à faire ? Demanda-t-il, lui jetant un regard furtif et laissant percer dans son accent une méfiance soudaine. Vous aurez à garder votre rôle et le mien, répondit-elle. Vous aurez à me mettre à l'abri des moyens que Mrs. LeCount emploiera sans doute pour découvrir qui je suis. Je ne vous en demande pas davantage. Le reste me regarde, et vous n'en êtes pas responsable. Je n'aurai donc à me mêler en rien de ce qui pourra survenir à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit, une fois le mariage conclu. Comme vous dites, absolument en rien. Je pourrai, si je veux, vous quitter en sortant de l'église. En sortant de l'église, et votre salaire en poche. Pris sur l'argent qui vous appartient. Bien certainement. Sur quel autre pourrais-je le prendre ? Le capitaine Raig ôta son chapeau et, apparemment fort soulagé, promena son mouchoir sur son front à plusieurs reprises. « Accordez-moi une minute de réflexion, » dit-il. « Autant de minutes que vous voudrez, » répondit-elle, reprenant sa première attitude sur la pente gazonnée et arrachant çà et là des touffes d'herbe pour les jeter au vent comme naguère. Les réflexions du capitaine n'était point embarrassé par d'inutiles divergences entre les calculs que sa position lui inspirait et ceux qu'il eût pu faire pour le compte de Magdalène. Absolument incapable d'apprécier l'atteinte morale que Frank lui avait portée par son infâme trahison, coup terrible qu'il avait brusquement séparé de cet espoir chimérique auquel, tout vain qu'il fût, elle aurait toujours pu se rattacher comme à un rameau sauveur, le capitaine Raig prenait simplement comme un fait acquis le désespoir où il la voyait, et il n'envisageait non moins simplement les conséquences de la proposition qu'elle venait de lui faire. Dans ce qui devait se passer avant le mariage, il ne voyait rien de plus sérieux que l'exécution d'une fraude, ne différant guère que par son objet de celle que les hasards de sa vie bohémienne l'avaient depuis longtemps habitué à pratiquer. Dans ce qui devait se passer ensuite, il discernait vaguement, parmi les menaçantes ténèbres de l'avenir, les fantômes de la terreur et du crime, les gouffres de la ruine et de la mort. Rempli d'audace et d'initiative dans le cercle de ses ignobles calculs, le capitaine était, au-delà de ses limites, plein de déférence et de soumission pour la majestueuse autorité des lois et soigneux de sa sécurité personnelle, un degré véritablement peu ordinaire. Mais maintenant, un sérieux problème le préoccupait. Pourrait-il, aux conditions offertes, entrer dans le complot formé contre Noël Vanstone jusqu'à la réalisation du mariage et s'en retirer ensuite, évitant ainsi de s'engager dans les conséquences que sa vieille expérience lui faisait entrevoir comme les résultats à peu près certains de cette union fatale? Si étrange que cela puisse paraître, sa décision, en ce moment critique, fut surtout influencée par Mr. Noël Vanstone en personne. Le capitaine aurait peut-être tenu bon devant la récompense pécuniaire que Magdalene faisait luire à ses yeux, car les bénéfices du divertissement dramatique avaient mis dans sa bourse une somme trois fois plus considérable que celle qui lui était offerte. Mais la perspective de porter obscurément un coup terrible à l'homme assez mal avisé pour n'assigner qu'une valeur de 5 livres à ses renseignements et à son concours lui fit oublier tous les conseils de la prudence et perdre l'empire qu'il exerçait ordinairement sur lui-même. Il est une espèce de terrain neutre où les meilleurs et les pires des hommes se rencontrent à conditions à peu près égales. C'est celui de l'amour-propre et de l'importance que chacun s'accorde. En voyant répondre ainsi à ses avances par voie d'annonce, le capitaine Raig, sincèrement indigné, n'avait pas songé une minute à dégager par une analyse rétrospective les éléments constitutifs de sa démarche. Il s'était trouvé aussi profondément blessé, aussi sincèrement irrité, que si l'on eût répondu par une insulte personnelle à une proposition tout à fait honorable. On l'a vu, plein de sa rancune, se laisser imprudemment percer dans sa première lettre à Magdalene. On l'a vu ensuite s'oublier toujours, plus ou moins, chaque fois que le nom de Noël Vanstone était prononcé devant lui. Aujourd'hui qu'il avait à prendre définitivement son parti, nous ne dirons rien de trop en affirmant que, pour la première fois de sa vie, le mobile pécuniaire se trouva relégué au second rang. Ce ne fut pas l'intérêt, ce fut la haine qui l'emporta. « J'accepte les conditions. » dit le capitaine Raig, qui se releva lestement. « Je les accepte naturellement telles que nous venons de les poser. Nous nous quittons le jour même du mariage, sans nous demander l'un à l'autre où nous allons. À partir de ce moment, nous ne nous connaissons plus. » Magdalene se releva, elle aussi, mais plus lentement. L'abattement du désespoir était peint sur sa physionomie et se trahissait dans tous ses gestes. Elle repoussa la poignée de main que lui offrait cordialement le capitaine, et quand elle lui répondit, ce fut d'une voix tellement basse qu'il pouvait à peine saisir ses paroles. « Nous nous comprenons maintenant, » dit-elle, « et nous pouvons rentrer à la maison. Rien n'empêche que demain vous me présentiez à Mrs. LeCount. » « J'aurai d'abord quelques questions à vous adresser, » dit gravement le capitaine. « Cette affaire offre plus de dangers et nous trouverons sur notre route plus de pièges que vous ne semblez le croire. Avant de vous mettre, vis-à-vis de cette femme, sur le pied de causer familièrement ensemble, j'aurais besoin de connaître tous les détails de cette visite que vous lui avez faite un matin. « Attendez à demain, » s'écria-t-elle avec un mouvement d'impatience. « Je deviendrais folle s'il fallait continuer ce soir de tels propos. » Le capitaine n'ajouta rien. Ils revinrent tous deux du côté d'Aldborough. La nuit les enveloppait quand ils gagnèrent les premières maisons du bourg. Ni lune ni étoile n'étaient visibles. Une faible brise venue de terre s'était élevée en même temps que les ténèbres se faisaient. Magdalene s'arrêta un moment sur le chemin désert pour aspirer plus à l'aise ce souffle vivifiant. Bientôt, cependant, elle cessa d'exposer son front à la brise et se mit à regarder du côté de la mer. L'immensité muette des eaux paisibles, se perdant ainsi dans le vide sombre que fait la nuit, avait quelque chose d'auguste. Debout, et les yeux fixés sur cette obscurité qui pour elle semblait n'avoir plus de mystère, elle finit par avancer lentement, comme fascinée, attirée par quelque puissance secrète. « Je descends la mer, » dit-elle à son compagnon. « Vous pouvez m'attendre, je serai bientôt de retour. » Il la perdit de vue, l'instant d'après, comme si la nuit l'eût tout à coup engloutie. Prêtant l'oreille, il pouvait compter ses pas dont le bruit peu à peu s'affaiblissait. Tout d'un coup, il ne les entendit plus. S'était-elle subitement arrêtée? Ou marchait-elle sur une de ces couches de sable que laisse à nu la marée en se retirant? Il attendit, prêtant toujours une oreille inquiète. Les minutes s'écoulaient. Aucun bruit n'arrivait jusqu'à lui. L'obscurité lui semblait toujours plus menaçante à mesure qu'il écoutait ainsi. Un instant après, du rivage invisible, un bruit s'éleva. Un long gémissement traversa le silence des grèves inférieures. Tout redevint calme. Le capitaine, alarmé, fit quelques pas pour descendre sur la rive et aller à Magdalène. Avant qu'il eût traversé le chemin, il entendit quelqu'un qui venait rapidement de son côté. Ceci le fit s'arrêter un instant, et alors, entre lui et la mer, longeant la route, un homme passa rapidement. Il faisait trop sombre pour qu'on pût distinguer les traits de cet étranger. On pouvait seulement s'assurer qu'il était de haute stature, et de la même taille que cet officier de la marine marchande auquel nous avons vu donner le nom de Kirk. Cette apparition se dirigea vers le nord, et on l'entrevit un instant à peine. Le capitaine Raig traversa le chemin, et après avoir fait quelques pas du côté de la rive, s'arrêta de réchef pour écouter. Le bruit de pas se faisait entendre sur le gravier. Ils étaient aussi lents au retour qu'au départ. Le capitaine héla sa compagne pour l'aider à le retrouver. Bientôt il l'aperçut, véritable spectre sur la pente caillouteuse, et semblant se dégager, plus grande à chaque pas, des ténèbres qui l'avaient enveloppé. « Vous m'avez fait peur, » lui dit-il tout bas d'une voix frémissante. « Je craignais quelque accident. Je vous ai entendu gémir comme si vous étiez souffrante. « Vraiment ? » dit-elle avec insouciance. « C'est que je souffrais, en effet. N'y prenez pas garde, au reste. Maintenant, tout est passé. » Tandis qu'elle lui répondait ainsi, sa main, par un mouvement machinal, faisait tournoyer un léger objet dont il se rendait à peine compte. C'était le petit sachet de soie blanche que jusqu'alors elle avait fidèlement abrité dans son sein. Une des reliques qu'il renfermait, une des reliques dont jusqu'alors elle n'avait pas eu le courage de se séparer, était à jamais distraite de ce trésor. Seule, sur ce rivage inconnu, elle s'était séparée de ses plus chers souvenirs, de ses plus chères espérances, les espérances et les souvenirs de sa pure jeunesse. Seule, sur un rivage inconnu, elle avait retiré de son abri, jadis si cher, la boucle de cheveux qu'elle tenait de Franck, elle l'avait jetée loin d'elle, la livrant au flot et à la nuit.